Cours numéro 49. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى: ذكر تقلب الدنيا وتقلبها بأهلها. Le 49e chapitre, في ذكر تقلب الدنيا. أن هذه الدنيا, elle est très très instable. وتقلبها بأهلها. Et vu que ce bas monde, il est très très instable, en tant que mu'min, en tant que croyant, qui vit, في هذه الدنيا, tu vis sur cette terre. Enfin, si tu as connaissance de hada, ça va beaucoup t'aider. قال الله عز وجل في كتابه العظيم وإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه الآية c'est par rapport au jihad. Enfin, si tu es touché par un mal, une blessure, une douleur, فقد مس القوم قرح مثله. كذلك l'ennemi, il a des douleurs. كذلك lui aussi il est touché par certaines choses. Lui aussi il dort mal. Lui aussi la faim. Lui aussi la froid. ثم قال عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس. Et c'est ça le shahid. قال الشيخ السعدي رحمه الله أو plutôt الإمام القرطبي قيل هذا في الحرب. Ce verset il a été révélé par rapport au jihad. فقيل هذا في الحرب تكون مرة للمؤمنين لينصر الله دينه ومرة للكافرين إذا عصى المؤمنين ليبتليهم ويمحص ذنوبهم. Donc la première explication de ce verset c'est qu'elle a été révélée par rapport au jihad. Et أحيانا c'est les croyants qui prennent le dessus bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala il les secourt et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est élevée. Et أحيانا c'est les kuffar qui ont le dessus. إذا عصى المؤمنين, quand les croyants ils sont désobéissants, quand ils ont des manquements, Allah subhanahu wa ta'ala ahyanan il donne le dessus à ses ennemis. Pourquoi? Pour éprouver le mu'minin, pour se rappeler que tu restes un être humain, tu as des manquements. Allah subhanahu wa ta'ala il peut t'éprouver par ton propre ennemi et son propre ennemi jalla wa ala wa yumahhisa dhunubahum, et kadhalik pour purifier les croyants. Cette erreur, ce manquement, Allah subhanahu wa ta'ala il punit les croyants directement au combat pour les purifier. Ça, c'est la première explication. وَقِيلَ نُدَوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ تِلْكَ الْأَيَامِ. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala قال تِلْكَ الْأَيَامِ, les jours de ce bas monde. نُدَوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Ça veut dire quoi, نُدَوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ? قال, رحمه الله, قال مِنْ فَرَحٍ وَغَمْ وَصِحَّةٍ. هكذا, ce bas monde, أحياناً tu es heureux. أحياناً tu es malheureux. أحياناً tu es éprouvé. أحياناً tu as un problème de santé. أحياناً tu vas très très bien. قال وغنى وفقر. أحياناً tu as de l'argent. أحياناً tu n'as pas beaucoup d'argent. C'est comme ça الدنيا. تلك الأيام وتلك الأيام نداولها بين الناس. Qui c'est qui gère tout cela? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il guide un tel, il égare un tel, il élève un tel, il rabaisse un tel, il enrichit un tel, il appauvrit un tel, il guérit un tel, il rend malade un tel. وتلك الأيام نداولها بين الناس. الإمام ابن حبان رحمه الله il a conclu son livre Rawdatu al-Uqala avec ce chapitre et le dernier. Ce chapitre c'est pour te rendre compte akhi al-karim de manzilat hadhihi ad-dunya, la valeur de cette dunya. Si tu as compris cette dunya n'a pas de valeur indallah, et cette dunya ça change très très vite. Aujourd'hui tu possèdes, demain tu n'as plus. Aujourd'hui tu as, demain tu n'as pas. Aujourd'hui en bonne santé, demain malade, etc. Ça va t'aider énormément dans ton din. Et ça va t'aider kadalik dans les bons comportements. Thumma il a conclu le livre, et ça sera inshallah le dars de mardi, avec le dernier chapitre, la mort. Tu mourras et tu rendras des comptes. Avant de mourir, fais des efforts. فمن فقه هذا الإمام أنه إلى clôturé هذا الكتاب avec ces deux chapitres. On revient à notre chapitre et c'est le 49e. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام قال حدثنا عبد الله بن هاني بن عبد الرحمن بن أبي عبلة قال حدثنا أبي عن عمه إبراهيم ابن أبي عبلة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. هذا الحديث حسنه الإمام الألباني رحمة الله عليه. Et d'autres imams, Ibn Hibban, il a cité dans son Sahih, et beaucoup de hadiths qui vont dans ce sens. On lit l'explication de Sheikh Zayd al-Madkhali dans Sharh Adab al-Mufrad. Donc l'imam al-Bukhari, كذلك, il a rapporté هذا الحديث dans Al-Adab al-Mufrad. قال Sheikh Zayd في هذا الحديث دليل على أن من رزق الأمن في الأوطان والعافية في الأبدان وبيتا يسكنه ابن آدم وطعام يومه فقد استكمل النعمة التي يجب أن يديم شكره لله عليها. Pour te montrer la valeur de الدنيا, Ibn Hibban رحمه الله il a cité هذا الحديث. من أصبح معافا في بدنه, celui qui est en bonne santé. Et quand tu te lèves le matin, si tu es en bonne santé, aminan fi sirbi, tu es en sécurité. Et indahu qut yawmihi, tu as de quoi manger pour la journée. Qut al-yawm, al-ghada wa al-asha. Tu te lèves le matin, donc tu es en bonne santé, tu es en sécurité, et tu sais que tu peux manger le midi et le soir. Fa ka'anna ma hizat lahu ad-dunya. C'est comme si tu possédais tout ce bas monde. Qala Sheikh Zayd رحمه الله تعالى وفيه دليل على أن من كفى المر من المال أي ما سد به حاجة ففيه الغنية. Ça, ça nous montre quoi? Pourquoi النبي صلى الله عليه وسلم il a cité هذا الحديث? Pour qu'on ne perde pas de temps في هذه الدنيا. Pensez qu'à s'enrichir. Oubliez notre دين. Alors que ce minimum que النبي صلى الله عليه وسلم il a cité, il est très très facile à acquérir pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il facilite. Et ça va t'ouvrir énormément de portes. Et tu vas te reposer via des dunya. Et tu vas avancer dans ton din. Et tu vas préparer l'essentiel yawm al-qiyamah, le jour dernier. Qala Sheikh Zayd, rahimahullah, wa huwa ni'matun yajib an yashkura Allah azza wa jal alayha. Bel, c'est une ni'ma. Limada li'anna nabi sallallahu alayhi wa sallam qal fa ka'anna ma hizat lahu ad-dunya. C'est comme si tu possédais tout ce bas monde. Et la shakanna anna hadha, c'est une énorme ni'ma. Donc on doit être reconnaissant. Ne pas croire que plus on a, mieux c'est. Allahu a'lam, on a cité le hadith dans, ou le verset dans le dars précédent. Anna al-insana la yatra an ra'ahu istaghna. Rabbama, beaucoup d'argent ça pousse l'insan à être injustice. Beaucoup d'argent, rabbama, ça pousse l'insan à délaisser la science. Beaucoup de biens, beaucoup d'occupations, ça peut endurcir le cœur. Et l'insan il s'investit dans tel projet, wallahi hatta salat. Le pilier le plus important de l'islam, après Al-Shahadatan. Même cette salat, peut-être que ce mu'min, à cause de dunya, au départ il ne la fait plus au masjid, thumma il ne la fait plus à l'heure, thumma il la regroupe, thumma il regroupe toutes les salawat le soir, et peut-être qu'il la délaissera. Comme c'est arrivé, vous connaissez Obama, des gens comme cela. Falihada, on doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhi al-karim, tu as de quoi manger, tu as un toit où vivre. Encore plus, si tu es en bonne santé, fahmadillah. Tout ça, bien sûr, si c'est fondé sur ad-din. Limada li anna, cette ni'ma, elle est fondée sur une autre ni'ma, et c'est la base. Qawlullah azza wa jalla, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ça, c'est la plus grande ni'ma, ni'matu al-islam. Si tu es muslim, ihmadillah. Et tu es en bonne santé, fahmadillah encore plus. Tu as de quoi manger. Ta'ammalou, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala qut yawmi. Pourquoi? Yana, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Ça ne veut pas dire que al-mu'min il n'a pas le droit de se projeter, il n'a pas le droit de faire d'économie, il n'a pas le droit. Abadan, là. Lakin, chaque situation, tu dois faire des efforts par rapport à ton cas. Ahyanan, si tu as besoin, bien sûr que tu as le droit de faire des efforts tant que c'est dans le halal. Lakin, fais attention que ça ne devienne pas une habitude. Et fais attention de ne pas vivre comme si tu allais rester longtemps. Ahyanan, on fait cette erreur, nahnu. on se projette, qu'Anna khalas, c'est sûr, on va rester longtemps dans ce bas-monde. Et هذه الأمنية, ça provoque des manquements dans le dîn. والعكس بالعكس, أن celui qui vit comme cela, et il pense au jour le jour, ça peut s'arrêter à tout moment. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. Hadith ibn Umar radiyallahu anhuma. Thumma ibn Umar radiyallahu anhu, il disait, إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. Quand tu es le matin, n'attends pas le soir. فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. Quand tu es le soir, n'attends pas le matin. هذا, ça t'aidera beaucoup dans ton dîn. Pourquoi? On revient au titre. ذكر تقلب الدنيا وتقلبها بأهلها. لأن ça change très vite. Regarde autour de toi, أخي الكريم. Combien de personnes, elles sont décédées. Et ils avaient des projets, ils devaient aller en vacances, ils devaient aller à droite, à gauche, ils devaient faire. Ils sont décédés. Ils sont dans leur tombe. Ça passe très très vite. Combien de personnes, elles étaient en bonne santé, aujourd'hui elles sont malades. Combien de personnes que tu connais, elles avaient un certain niveau de vie, et ça a changé. Des dettes, des problèmes de justice, un accident, un vol, une accusation. Ça va très très vite. Qu'est-ce qu'on retire de tout cela? Accroche-toi à l'essentiel. Ton dîn restera avec toi. Ici-bas, dans ta tombe, et yawm al-qiyam. Cette dunya, même si tu as, ça peut changer très vite. Et même si tu as, tu meurs, tu laisseras tout ici. Donc, ne sacrifie pas l'essentiel, le plus profitable, ce qui est obligatoire pour toi en tant que mu'min, pour des futilités, pour des tentations, pour des choses qui ne restent pas. هذا مراد الإمام ابن حبان من هذا الباب. Ce chapitre, il l'a cité هنا pour cette معنى. C'est pour ça qu'il a argumenté avec hadith Abi Darda. قال رحمه الله. On revient à la parole de Sheikh Zayd. قال والشاهد من هذا. Donc الشاهد من هذا الحديث. من رزق بكفايته من المأكل والمشرب والمسكن والمركب. من رزق من هذه الضروريات ورزق أمنا في سربه أي في سكنه ومكانه. Donc celui qui a un endroit pour dormir, de quoi manger. Il a rajouté une monture. On verra dans un autre hadith qu'on citera, Inch'Allah. Kadalik, la bonne santé. Et il est en sécurité chez lui. Qala, wa ruziqa afiyatan fi badanihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiliha. C'est comme si on lui avait donné ce bas monde avec tout ce qu'il contient. Qala, falyakun shakiran lillahi azza wa jal ala dhalik hatta ya'tih min rabbihi al-yaqin. On doit être reconnaissant et ne pas oublier manzilat hadhihi ad-dunya. Ça nous montre quoi ce hadith kadhalik? Cette dunya, il y a énormément de tentations, il y a énormément de choses. Lakin, prends de cette dunya ce que tu as besoin. Fais des efforts pour rester en bonne santé. Fais des efforts pour pouvoir te nourrir. Kadhalik, subvenir aux besoins de ta famille. Un endroit où dormir. Alhamdulillah, si tu as ça, c'est comme si tu possédais toute dunya. Et les efforts, le plus important, les plus grands efforts, la plus grande partie de ton temps, pour ton dîn, akhil karim. Si on éduque nos enfants à la hada, vous avez remarqué que beaucoup d'enfants, ils sont éduqués à l'opposé de ce hadith. Depuis qu'il est petit, et il est petit, et il voit son entourage. Ben certains, ils enseignent cela à leurs enfants. Tu dois faire des efforts, travailler pour aller à l'école, pour avoir un diplôme, pour travailler, pour voiture, pour maison, pour pouvoir voyager, pour restaurant, etc. Le cœur de cet enfant, il pense plus qu'à tenir. Son objectif, ça devient de tenir. Et ça, c'est grave. L'imam Aliana, si son objectif, dès le plus jeune âge, il pense qu'à tenir. Il veut un diplôme, il veut travailler, il veut s'enrichir, il veut... alors qu'il néglige son dîn avec ce point. حَتَّ لَا يَقُلْ قَائِلٌ. Mais est-ce que ça veut dire que nos enfants, ils n'ont pas le droit de travailler, de se former, d'apprendre un métier? أَبَدًا لَا. لَكِنْ سَنْ نِغْلِجِ الدِّينِ. C'est pour ça que ce hadith, fil haqiqa, il va régler ces points. Et il a dunya par rapport au dîn. C'est comme un réglage, هذا الحديث. Et il a dunya, prends ce que tu as besoin. Et le peu que tu as, wallah, c'est comme si tu avais toute dunya. Pourquoi? Liana, tu donneras de l'importance à ton dîn. On peut citer un autre hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du prophète Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, قال كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من سعادة ابن آدم ثلاثة trois choses elles font partie du bonheur des êtres humains قال ومن شقوة ابن آدم ثلاثة et trois choses c'est من الشقاوة le contraire de السعادة le bonheur et son contraire le malheur قال من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة Vous avez remarqué que في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم il a commencé par الدين Parmi la plus grande, une des plus grandes ni'mah pour le croyant fi hadhihi ad-dunya, c'est une femme pieuse. Al-mar'atu saliha. Pourquoi ? Li'anna al-mar'atu saliha, elle va aider ce croyant. Elle va le conseiller, elle va préserver son mal, elle va préserver son honneur. Elle va être une cause pour qu'il s'écarte du haram, pour qu'il baisse son regard. Fa c'est min a'zam an-ni'am. Qala wal maskan as-salih. كذلك une demeure. هنا il a qualifié هذا المسكن de صالح et dans une autre riwaya المسكن الواسع أي une maison وهذه الدار فيها سعة avec de l'espace. Ça c'est une ni'ma عظيمة. قال والمركب الصالح. Vous avez remarqué que المرأة الصالحة والمسكن صالح والمركب صالح. المركب c'est la monture. أي une monture. Une monture à l'époque Bien sûr, c'était des bêtes, chameaux, chevaux, etc. Et à notre époque, des véhicules, voitures, etc. Ça, c'est une ni'ma. Tant que c'est fil halal. Hadha al-hadith, il montre quoi ? Et pourquoi on l'a cité ? Pour prouver, min kalam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça ne veut pas dire que le mu'min, il doit complètement laisser al-dunya. Hadha, c'est min al-jahl. Là, on doit délaisser... Al-haram. On ne doit pas se préoccuper avec هذه الدنيا حتى on se fait du mal. قال عز وجل ولا تنسى نصيبك من الدنيا. Et n'oublie pas ta part. N'oublie pas ta part de cette دنيا. فعلى كل حال avec ce hadith, on a زيادة فائدة. Ce hadith, الإمام الألباني رحمه الله il l'a authentifié, il l'a صحاح dans صحيح الترغيب. Une autre riwaya qui ressemble à Thalathatu Khisal min Sa'adat al-Mar' al-Muslim fi ad-Dunya, trois choses qui font partie du bonheur dans ce bas monde pour le croyant, al-Jar as-Salih. Dans le premier hadith Sa'ad, al-Mar'ah as-Salihah. La femme pieuse. Dans hadith Nafi' ibn Abd al-Harith, al-Jar, un voisin pieux. Ça, c'est une autre faïda. Un hadith, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul trois choses, ça fait partie du bonheur de ce bas monde, ça ne veut pas dire qu'il y a ces trois choses. Là, si on regroupe tous les hadiths qu'on a, on a 4, 5, 6 choses. Ça nous montre qu'on ne s'est pas limité à ces choses. Al-jar as-salih, ça fait partie du bonheur. Et celui qui a un mauvais voisin, mujrim, shirir, fasiq, zalim, il comprendra ça. Il comprendra l'imad, il y en a un mauvais voisin, ça peut empoisonner une vie. Anna, tu es souvent fiqalak, souvent angoissé, et il peut te faire des problèmes, il peut t'accuser, du bruit. Enfin, al-jar as-salih qui te respecte, qui craint Allah, voilà, chacun c'est une ni'ma. Même si la maison est moins spacieuse, même si le quartier il est moins bien, enfin, wallahi, avec un voisin pieux, tu ressentiras plus de bonheur. Même si tu as certains manquements, fi al-bayt. Contrairement à une belle maison avec du confort, etc., avec un mauvais voisin, rubbama, tu ne ressens pas le bonheur. قال والمسكن الواسع والمركب الهني. الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد. Et on a lu un hadith qui ressemble. كذلك le hadith d'Ibn Hibban. قال رحمه الله. الواجب على العاقل أن لا يغتر بالدنيا وزهرتها وحسنها وبهجتها العاقل dans les 48 chapitres précédents الإمام ابن حبان رحمه الله il a cité ses أوصاف العاقل c'est le doué de raison la personne sensée la personne qui veut avancer dans son dîn la personne qui met les choses à sa place هذا العاقل qui a compris tous ces chapitres précédemment cités via هذا الكتاب فلا ينبغي il ne doit pas يغتر لا يغتر بالدنيا وزهرتها وحسنها وبهجتها. Fais attention de ne pas te faire leurrer, Akhil Karim, par cette fitna, par cette dunya. قال عز وجل في القرآن العظيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. C'est متاع الغرور, c'est quelque chose qui ne restera pas. فلا تغتر بهذا. Tu penses qu'aux voitures, tu penses qu'aux vacances, tu penses qu'aux restaurants, tu penses qu'aux vêtements. هذا من المتاع. Ça c'est le matin qui reste pas. قل متاع الدنيا قليل. هكذا قال عز وجل. قل أيها محمد dis-leur متاع الدنيا قليل. Les choses mondaines de cette dunya, ça restera pas. فلهذا si tu as le minimum qu'on a cité dans les hadiths précédents, bonne santé, une demeure, de quoi manger, si Allah te facilite une monture, alhamdulillah. Bardenas, maintenant, ils ont 4, 5, 6, 7 voitures. Et après? Et après, qu'est-ce qu'il va en faire? Ça partira, ça périra. Si tu as une voiture, alhamdulillah, thumma tu te consacres à ton dîn. On le répète, ça ne veut pas dire que celui qui a 2, 3 voitures, c'est haram. Là, lakin en général, celui qui a 2, 3, 4, 5 voitures, il faut des efforts. Il faut faire des efforts pour les acheter, des sacrifices, du temps. Et si tu prends ce temps pour acheter 3, 4, 5, 6 voitures, alors que tu as déjà une voiture, et tu connais même pas ton dîn, tu connais même pas le sens du premier pilier de l'islam, tu ne fais même pas salat correctement, à son heure, etc., ça devient une fitna. Cette voiture, l'un, et cette course aux richesses, cette passion que certains ils ont pour les sports automobiles, pour les voitures, d'autres c'est les vêtements, d'autres c'est les voyages, c'est une fitna. قال رحمه الله فيشتغل بها عن الآخرة الباقية. C'est ça le fitna. C'est si cette dunya, elle t'occupe et elle prend trop de place dans ton cœur et tu oublies l'akhira. Surtout cette période, ya ikhwan, qu'on est en train de vivre. Bardenas, à cause d'une faiblesse dans la foi, à cause de manquements dans la science, dans la mise en pratique, yadhunnuna anna cette période de juillet, août, l'été, anna on peut se lâcher. On peut se lâcher, ils ont des manquements énormes dans leur dîn. Bardenas, à cause de certains voyages, et ils pensent plus qu'à la piscine, à la plage, etc. Hatta on répète fait salat. La salat, elle n'est plus faite à l'heure. Bardenas, ils font certains efforts l'année. Dès que l'été vient, ils s'autorisent. Et ils prennent des décisions. Ils voyagent dans certains endroits avec beaucoup de haram. Si tu meurs à ce moment, ce petit plaisir, si te pousse à du haram, et tu meurs dans cette situation, c'est pas fi maslahatik akhil karim. On le répète, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de profiter de ces choses si c'est dans le halal. Lakin avec had al qaid, il faut que ça soit dans le halal. Il faut que ça soit dans le halal et il ne faut pas que ça ampute ton dîn. Ça prend une partie de ton dîn. قال رحمه الله والنعم الدائمة بل ينزلها حيث أنزلها الله. Ça c'est une faïda. Cette dunya, donne-lui la place que Allah lui a donnée. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné quoi comme place à cette dunya? قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة. الدنيا ملعونة. Ce bas monde il est maudit. Sauf عالم ومتعلم وذكر الله أو كما جاء في الحديث. Sauf quelqu'un qui apprend son dîn, qui l'enseigne ou le rappelle d'Allah. Amma, beaucoup de ces choses, c'est il n'y a pas de maslaha. Bel, ça, c'est une cause d'énormes méfaits pour al-mu'min. Ce bas monde, عند Allah Azza wa Jalla, on a cité le verset. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. C'est que le mata', c'est que des plaisirs لكن, qui ne durent pas. قال رحمه الله تعالى لأن عاقبتها لا محالة تصير إلى فناء تخرب عمرانها ويموت سكانها وتذهب بهجتها وتبيد خضرتها فلا يبقى فيها رئيس متكبر مؤمر ولا فقير مسكين محتقر إلا ويجري عليهم كأس المنايا. Et ça c'est أنفع ما يكون pour ne pas tomber dans cette fitna. Ces voitures, ces demeures, cet argent, toutes ces choses, ces beaux paysages, etc., Fulan qui est injuste, qui a de l'argent, tout ça, ça disparaîtra. Et on est tous sûrs de هذا. قال عز وجل كل نفس ذائقة الموت. هذا قوله رحمه الله. إلا ويجري عليهم كأس المنايا أي الموت. أي tout le monde goûtera la mort. Toutes ces choses de dunya ça s'arrêtera. كما قال عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Tout disparaîtra. لكن si tout disparaîtrait, ça s'arrêterait là. فالأمر سهل. لكن tout disparaîtra. وسيأتي معنا أن الله سبحانه وتعالى il ressuscitera les êtres humains et les djinns pour les comptes. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Enfin, ces deux catégories auront des comptes à rendre. لماذا لأنهم ils font partie de المكلفون. Allah subhanahu wa ta'ala il leur a donné la capacité de raisonner, de comprendre et de l'adorer, et Allah il les a créés que pour cela. Fais attention que ce bas monde et il ne prenne pas trop de place dans ton cœur et t'écarte de du pourquoi Allah il t'a créé. قال رحمه الله ثم يصيرون إلى التراب فيبلون حتى يرجعون إلى ما كانوا عليه في البداية إلى الفناء. هذا c'est pas une disparition complète là. Tout le monde mourra, thumma, tout le monde sera ressuscité. قال عز وجل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé à partir de cette terre et il nous ressuscitera à partir de cette terre. قال ابن حبان رحمه الله ثم يرث الأرض ومن عليها علام الغيوب فالعاقل لا يركن إلى دار هذا نعتها. C'est ça la conclusion. العاقل, si tu as compris هذا, on mourra tous. Ce bas monde n'y reste pas. C'est que des futilités. C'est que des choses qui sont embellies en apparence et ça ne reste pas. Prends l'exemple de la nourriture. La nourriture, c'est un exemple tayyib. Et la nourriture, c'est un exemple pour dunya. Tu prends maintenant un fruit. Une belle odeur, une belle apparence, une belle couleur. C'est exactement comme dunya. Ce fruit, laisse-le quelques heures. Quelques jours. Quelques semaines et tu verras. Il change de couleur, son odeur elle change, l'apparence elle change, tu ne peux même plus le regarder. Ce fruit finit al-qumam, il finit à la poubelle. Hakada dunya akhil karim. Prends ce que tu as besoin et le reste, mets-le comme tu te débarrasses des ordures. Qala fal-aqil, si on a compris hada, et on a compris qu'on mourra et qu'on rendra des comptes, fala yarkan ila dar hada na'tuha. Al-aqil, donc il ne s'accroche pas à une chose. Avec ces caractéristiques qu'on vient de citer, min al-Qur'an, min al-Sunnah, et les paroles de l'imam Ibn Hibban. Al-Aqil, qu'est-ce qu'il fait? Il recherche, est-ce qu'il y a une chose qui reste? En tant que croyant, tu sais qu'il y a le paradis. Tu sais que le paradis, l'exemple du fruit qu'on a cité, fit dunya, il change très très vite. L'imam al-Aliyana, c'est un fruit de ce bas-monde, il a l'image de ce bas-monde. Les fruits fit dunya, ils changent jamais. Donc, pourquoi délaisser une demeure où qu'il y a tout, tout ce que tu veux, tout ce que tu as besoin, tout ce que tu as envie, pour une demeure où tout disparaîtra, et c'est que du superficiel. Et ça, c'est un point important. Pourquoi ? Parce que l'être humain, il aime ces choses. En tant qu'être humain, on aime. On aime ces choses. On aime se marier, on aime manger, on aime beaucoup de choses. Lakin, al-aqil, il patiente un court instant, il craint Allah en espérant profiter de ces choses. Rien à voir avec dunya, bien sûr, éternellement. C'est ça, l'aql. Et c'est ça, sha'n al-uqala. Mais ceux qui font passer dunya avant, ils délaissent tout ça. Ils ont un problème dans la raison. Ils ont un problème dans la foi. Maintenant, al-kuffar, ils ne croient pas au paradis, etc. Haoula, leur cas, il est réglé. Ils iront en enfer éternellement. Mais si c'est un mu'min, il y a une contradiction. Et on a tous des faiblesses et des manquements. L'an, c'est facile de le dire dans un dars, et quand on en parle dans le dars en lisant les preuves, la foi elle monte, etc. Lakin, quand tu es face à la fitna, avec un manque de foi, tu peux te contredire. C'est pour ça qu'on doit faire attention et se ressaisir. قال ولا يطمئن إلى دنيا هذه صفاتها. لا يطمئن. Ne fais pas confiance, tu ne dois pas te sentir à l'aise via cette dunya. Pourquoi? Parce que ça change très très vite. C'est comme quand tu es dans un moyen de locomotion. Maintenant, en avion, ça arrive souvent. Certains, les premiers voyages. Tu sais que l'avion, il n'est pas stable. Certains, quand il fait mauvais, etc. Tu sais que ce voyage de 2 ou 3 heures, tout peut changer en quelques secondes, en un instant. Un crash, un accident, et c'est fini. Donc tu n'es pas à l'aise. Bahadoum, il n'arrive pas à dormir dans l'avion. Et c'est normal. Certains, quand il y a des vibrations, quand ça bouge, etc. La dunya, c'est exactement la même chose pour celui qui a un iman qawi. Il est sur terre et ici, à tout moment, tout peut changer. Il peut tomber malade, il peut s'égarer, il peut être éprouvé, il peut mourir. Donc, il est toujours à l'hazard. Le mu'min, il fait toujours attention. Là, yatma'in. Amma celui qui se sent à l'aise. Amma l'hal al-kuffar. La période, l'an. Cette période. En vacances, et ils mangent, et ils dorment. Wala yubaloun. Et ils sont à l'aise, jiddan. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'à cela. Et ils ont réussi à atteindre leur objectif. La piscine et deux, trois choses à manger, c'est ça leur objectif. Na'oudou billah min al-inhiraf. Al-mu'min là. Al-mu'min, son objectif, c'est la satisfaction d'Allah. Al-mu'min, son objectif, c'est de faire partie des croyants qui verront Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. C'est ça son objectif. Son objectif, c'est d'atteindre le niveau de al-firdaous, c'est d'être en compagnon des prophètes alayhim as-salatu wassalam, des compagnons radiyallahu anhum, des savants de l'islam. Et là, c'est ça l'objectif du croyant. Et bien sûr, de profiter de al-jannah et d'être en paix pour l'éternité. C'est ça le véritable objectif. قال عز وجل وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال ولا يطمئن إلى الدنيا هذه صفتها وقد ادخر له ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Tu as deux choses, tu as cette dunya avec tous ses manquements et tu as al-jannah فيها ما لا عين رأت. Au paradis, il n'y a ce qu'aucun œil n'a vu. ولا أذن سمعت, ce qu'aucune oreille n'a entendu. Voilà ce qu'aucun cœur n'a pu imaginer, ne peut imaginer. Enfin, comment tu vas délaisser hada pour hadi dunya avec tous les manquements et beaucoup de choses néfastes qui font partie de cette dunya. قال فيظن بترك هذا القليل ويرضى بفوت ذلك الكثير. Ça, c'est une fitna. Il accepte, certains êtres humains, ils acceptent ce manquement. Et cette dunya avec tous ses manquements, et elle s'arrêtera. Et ça peut durer un jour, une semaine, ça dépend combien de temps il nous reste à vivre. Certains ils restent un jour, certains ils restent une heure, certains ils restent 10 ans, certains ils restent 30 ans. Al-Muhim, cette durée qui, même si on dit 50 ans, 100 ans, ça reste très très peu. Et il abandonne, il délaisse l'éternité avec tout ce que Allah il a préparé pour eux, les croyants. Qala Allahu Azza wa Jal, on peut citer ce verset, wa ma al-hayatu dunya. إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Vous avez remarqué que Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir comparé ce bas monde et l'au-delà, il a dit أفلا تعقلون. Et celui qui raisonne, كما قال ابن حبان رحمه الله, فالعاقل لا يركن إلى الدار هذه نعتها. Si on revient à ce verset, قال عز وجل وما الحياة الدنيا إلا لعب وله. C'est qu'un jeu, cette dunya. C'est qu'une étape très très courte, avec plein de manquements, avec des problèmes, avec tout ce que ça implique. Il n'y a aucune comparaison avec l'au-delà. Lakin, avec cette condition, pour ceux qui craignent Allah, Azza wa Jal. Ça nous montre, Anna, pour faire cette différence entre le hayat al-dunya et l'akhira, pour arriver à comprendre que cette dunya, c'est qu'un jeu, c'est qu'une tentation. Et l'akhira, c'est la vraie vie. C'est ce qui restera. Il faut faire partie des gens qui craignent Allah. Thumma Allah subhanahu wa ta'ala qal, afala ta'aqilou. Et est-ce que vous ne raisonnez pas? Et réfléchissez. Vous avez deux choses. Vous avez deux choses. Une chose qui reste et une chose qui ne reste pas. Une chose avec un na'im qui reste et une chose des récompenses, ça ne reste pas. Enfin, comment faire passer la chose qui ne reste pas avant la chose éternelle? Ça contredit l'aql, ça contredit la raison. قال الشيخ سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره اي افلا يكون لكم عقول اي بها تدركون ان الدارين اي الدارين احق بالايثار. الشيخ سعدي a expliqué ce verset بقوله اي est-ce que vous n'avez pas de raison qui vous permette de savoir quelle demeure faire passer avant l'autre? C'est comme, ou plutôt un exemple pour faciliter, c'est comme si tu disais à Insan, je te propose une enveloppe où qu'il y a 1000 euros, du halal et ça à toi, Tu peux en profiter comme tu veux. Et une enveloppe où il y a 100 000 euros. C'est halal et tu peux en profiter. Tu choisis laquelle? Est-ce que quelqu'un va choisir les 1 000 euros? Ah, peut-être. 100 000 euros, tu peux faire énormément de trades et en profiter. Tout le monde va prendre 100 000 euros. C'est pas 1 000, 100 000 ou 1 milliard d'euros, là. C'est Adunia. Et c'est une durée très très limitée avec toutes les imperfections, etc. Comparé à Jannatu al-Khuld, la demeure de l'éternité. Et al-Mu'min, il a tout ce qu'il veut. Ah, là, c'est un dars azim. Un dars azim qui nous montre la plus grande priorité qu'on doit avoir. Et on doit éduquer nos enfants à la hada, s'éduquer nous-mêmes à la hada, à la hadith dunya, ça passera. Et si on a hada l'iman dans notre cœur, et on vit avec ses principes, tout ce qui va nous toucher via hadith dunya, ça sera très très simple. On tombe malade, alhamdoulilah. C'est que cette dunya, ça passera, c'est court. On est touché par la pauvreté, alhamdoulilah. C'est un test, il reste pas grand-chose, nusbir. Ou hakada, jusqu'à ce qu'on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui accroche à cette dunya, il pense qu'à cette dunya, son objectif c'est que ce bas monde. Une chose qui le touche, une chose, c'est des choses minimes, et ça le détruit de l'intérieur. Alhamdulillah ala ni'mati al-iman. Qala rahimahullah, il a rapporté hein, deux vers de poésie. سمعت بشر ابن الحارث يقول شعرا إلى رابورتي الإسناد عن بشر لا تأس في الدنيا على فائت وعندك الإسلام والعافية بيت جميل Ne regrette pas quelque chose de cette dunya. Tu n'as pas pu acheter cette chose, tu as manqué cette chose. Une chose parmi les choses de dunya. وعندك الإسلام والعافية. Alors que tu as ces deux ni'ma. L'islam, l'iman, والعافية, la bonne santé. Tu es préservé, tu es en sécurité. Ihmadillah. قال إن فات أمر كنت تسعى له ففيهما من وارث كافية نعم c'est la plus grande ni'ma tu as ces deux choses c'est un trésor que tu as أخي الكريم الإسلام والعافية العافية في بدنك والعافية في قلبك في معتقدك لأن العافية ça peut être العافية la bonne santé tu es préservé de maladies etc et كذلك la bonne santé de ton cœur tu es pas un mushrik tu es pas un mubtadi' Tu reconnais les noms d'Allah et les attributs d'Allah. Tu essayes d'appliquer la croyance des salafs. Tu es fini ma azim. Wallahi, même si tu n'as pas où dormir et de quoi manger, alhamdoulilah, tu es dans une énorme ni'ma. Un qadr wahad, il n'a ni demeure, ni manger, ni à manger, ni à boire. Si tu as l'islam ou l'afia, alhamdoulilah. Tu patientes, hatta yaftah Allah. Qala rahimahullah. Il a rapporté un autre vers de poésie. Nadi, nadi, Rabb al-Dar, dhal mal al-Ladhi. On relit de le début, il faut comprendre pourquoi il a cité ces vers de poésie. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي قال حدثنا عبيد عبيد عبيد الله بن محمد قال عاد رجل مريضا فسمع قائلا يقول من ناحية البيت. Un homme, il a visité un malade. Et il a entendu une personne dans cette maison dire un vers de poésie. Ce vers de poésie, c'est Nadi Rabb al-Dar dhal mal alladhi jama'a ad-dunya bi hirsin ma fa'al. Nadi Rabb al-Dar dhal mal alladhi, ay, celui qui a fait beaucoup d'efforts pour rassembler de l'argent, etc. L'an, il est tombé malade. Famadha fa'al, fa qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que cet argent va lui faire? Fa ajabahu mujib. Un autre, il lui a répondu. كان في دار سواها داره عللته بالمنى ثم انتقل لم يمتع بالذي كان حوى من حطام المال إذا حل الأجل إنما الدنيا كظل زائل طلعت شمس عليه فاضمحل كلام جميل Il lui a répondu أن هذا الرجل qui est tombé malade ثم مات Il a fait beaucoup d'efforts pour rassembler cet argent Il n'en a même pas profité قال إنما الدنيا كظل زائل طلعت شمس عليه فاضمحل. Pour moi, il a cité cette image de dunya. Ce bas monde, c'est comme une partie d'ombre. Maintenant, tu es dans un endroit et ça arrive souvent et tu es sous une ombre. L'ombre d'un arbre, d'un mur. Pour moi, très très vite, cette ombre, elle diminue. Le soleil réapparaît. Pour moi, tu es obligé de changer d'endroit. Cette ombre qui a disparu, c'est exactement dunya. Et t'as mal toute ta durée de vie passée. Ceux qui ont 20, 30, 40, 50 ans, toutes ces années, elles sont passées. Exactement comme l'ombre qui a disparu très très vite. Et combien il reste ? Allahu a'lam. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala husn al-khatima. Thumma qala Abu Hatim rahimahullah, الدنيا بحر طامح والناس في أمواجها يعومون. هذا سامث العظيم. Il a comparé الدنيا à un océan. الدنيا بحر طامح والناس في أمواجها يعومون. Ce bas monde, c'est comme un océan et les gens, ils nagent dans cet océan. Et il y a des vagues. أمواج, il y a des vagues. هكذا الفتن, c'est comme des vagues. Ça vient et ça emporte qui ça emporte. Cette dunya, c'est exactement la même chose. On est tous dans un océan et on nage tous. Combien de temps on va nager ? On ne sait pas. Certains ils vont se noyer et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala salam wa l'afiyah. D'autres ils vont réussir à tenir. Et certains, Allah subhanahu wa ta'ala il va les waffaq. Et dans cet océan, il y a un bateau, une arche. As-sunnah safinatu nuh. La sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Safinatu Nuh, c'est l'arche de Nuh. Et certains, ils sont sauvés en montant dans cette arche. Leur mode de vie, c'est basé sur la sunna du prophète, alayhi wa sallam. Ils font des efforts pour apprendre la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils aiment, et ils aiment kadalik ceux qui aiment et qui suivent la sunna du prophète, alayhi wa sallam. Enfin, fait tout pour monter dans cette arche. Amma d'autres, ils sont dans cet océan et ils veulent autre chose. Ils délaissent ce bateau et ils espèrent autre chose. Et pardon, ils y arrivent. Comment ils se font du mal et ils se noient. D'autres, ils n'arrivent même pas à cette chose et ils se noient. C'est exactement le cas de Wa'd al-Nas dans cette dunya. قال وهي أمثال تضربها الأيام للأنام وما أكثر أشبهها بما منها لأن كل ما يصير إلى فنى منها يشبهها. Et ça, c'est un kalam azim. لماذا لأن cette dunya, ce bas monde, pour comprendre exactement sa manzila, sa valeur et حقيقه هذه الدنيا, et cette dunya vraiment la comprendre, réfléchis sur les choses que tu vois tous les jours. لأن les choses qui font partie de cette dunya sont comme la dunya, c'est exactement comme l'au-delà. مثلا dans l'au-delà, les choses elles sont parfaites, éternelles. On a donné l'exemple des fruits. Kadalik de l'être humain, il ne tombe pas malade, il ne dort pas, il ne meurt pas. Pourquoi ? Parce que sa situation, elle est liée à cette demeure, l'au-delà. Si on revient à Tonia, réfléchis, Akhil Karim, sur toi-même et tes semblables. Combien de personnes sont mortes dans ton entourage cette année ? Peut-être tu as perdu un tel. Un jour viendra, ça sera toi. Ça, c'est un mythal azim. C'est pour ça que tu trouves Wa'd al-Nas tellement qu'ils sont dans cette dunya, tellement qu'ils sont à fond dans cette dunya. Ils ont oublié l'akhirah. Ce genre d'exemple, ce genre d'image, il n'arrive même plus à la comprendre. C'est pour ça que Hayyanan, il lui arrive quelque chose, il tombe malade. Ou un de ses proches, il meurt. Ka'annahu, c'est la première fois qu'il entend, qu'il voit la maladie ou qu'il entend la mort. Pourquoi les Anahoum, ils ne sont pas prêts, ils sont aveuglés. Amma anta akhil mu'min. Fais vivre ton cœur avec l'ilm. Et réfléchis sur ce genre d'exemple. Qala faman utiya. من الدنيا أشياء ثلاث فقد أوتي الدنيا بحذافيرها الأمن والقوت والصحة. Ces trois choses. Celui à qui on a donné ces trois choses, الأمن, la sécurité, القوت, de quoi manger, والصحة, la bonne santé, فالحمد لله. Qu'est-ce qu'il veut de plus ? On a fait un tambih. أن الأمن c'est fondé sur التوحيد والدين. الأمن, la sécurité, la paix, c'est fondé sur al-din ou al-tawhid. قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. العلماء بل النبي صلى الله عليه وسلم il a expliqué al-dhulm بالشرك. Donc الذين آمنوا, ceux qui croient, ولم يلبسوا إيمانهم بظلم, et ils s'écartent du shirk, et ils sont des موحدون, أولئك لهم الأمن, هؤلاء ils auront l'amn. Et la paix, la sécurité, ils seront guidés. Cheikh Saleh al-Sheikh, hafidahullahu ta'ala, waffaqa dans son sharh al-tamhid, son sharh de kitab tawhid, et c'est un sharh très très profitable. قال فالأمن هنا هو الأمن التام في الدنيا والمراد به أمن القلب. كثير من العلماء ils expliquent l'amn par l'amn في الآخرة, et bien sûr c'est authentique. la paix dans l'au-delà, annahu sera préservé de l'enfer, des tourments, des châtiments, etc. كذلك il aura la paix fi dunya. والمراد به امن القلب وعدم حزنه على غير الله عز وجل. ان المؤمن il aura la tranquillité, la paix dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il s'écarte du shirk et des khurafat. Tu trouves بعض الناس, ils ont de l'argent. Ils sont dans des endroits, il n'y a pas de guerre, c'est la paix totale. Lakin leur cœur kharab. Ils ont leur cœur détruit, c'est un champ de ruines, c'est un champ de guerre. Champ de ruines dévasté par la guerre à cause des humoum, des soucis, et shaitan. Hatta tu trouves Wardoum, tu vois leur visage que annahu évident dans l'endroit annahu il y a la guerre annahu alors qu'il n'y a rien du tout. C'est le cœur. Fahmadillah. أن ترسن هذا الأمن في ton cœur. بل المؤمن الموفق قوي التوحيد même s'il est éprouvé, il vit dans un endroit où qu'il y a la guerre, où qu'il y a un conflit, si il est على توحيد الله عز وجل, il ressentira l'amn. Il y en a ces dunya. Tout le monde va mourir. Enfin, s'il faut mourir maintenant, et Allah il a décidé, enfin, on mourra. وانتهى الأمر. قال رحمه الله لا يغتر بشيء منها إلا كل خداع ولا يركن إليها إلا كل مناع فالعاقل يعلم أن ما لم يبقى لغيره عليه غير باق وأن ما سلب عن غيره لا يترك عليه فالقصد إلى ما يعود بالنفع في الآخرة للعاقل من الدنيا أحرى من السلوك في قصد الظن بها الظن هنا بمعنى البخل والجمع لها من غير تقديم ما يقدم عليه في الآخرة من الأعمال الصالحة وترك الاغترار بها والاعتبار بتقلبها بأهلها نعم دوك cette dunya on l'utilise نحن pour الآخرة on prend ce qu'on a besoin et on fait attention que cette dunya ne nous éloigne pas de l'objectif principal on est tous en voyage كما تقدم معنا في التابوكية de l'imam ibn al-Qayyim rahimahullah. On est tous en voyage. Notre voyage, c'est ces journées qu'elles passent. Jour après jour, il y a un déplacement. Jour après jour, tu te rapproches de ta tombe. Jusqu'à un jour, l'ange de la mort, il récupérera notre âme et on ira directement dans cette tombe. Ça prépare ce voyage. Et attention, cette dunya, c'est un obstacle. قال rahimahullah ولا شيء أعظم خطر من الحياة ولا غبن أعظم من إفنائها لغير حياة الأبد كلام جميل ولا شيء أعظم خطرا من الحياة il n'y a pas une chose plus dangereuse que la vie تأمل هذا بعض الناس tellement ils se sont écartés du din tellement que leur cœur il a durci il a ربما délaissent din ou beaucoup de choses فقط pour préserver cette durée de vie هذا الأجل leur vie Ibn Hibban rahimahullah قال ولا شيء أعظم خطرا من الحياة. Il n'y a pas une chose aussi dangereuse pour toi que cette vie. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que l'insan il doit pas prendre soin de sa vie là. Ça veut dire que tant que tu es vivant, tu es à la khatar. Tant que tu es vivant, tu es à la khatar. Tant que tu es vivant, tu es en danger. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح الرجل مؤمنا مؤمنا ويمسي كافرا وَيُمْسِ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا C'est une fitna. Arrivé une période, certains, le matin, ils seront croyants, la nuit, ils deviendront des kuffars. La nuit, ils seront croyants, le matin, ils deviendront des kuffars. Donc, c'est un danger. الْحَيْ لَا تُؤْمَنْ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ هَكَدَا كَانَ يَقُولُ بَعْضُ السَّلَفِ Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, wa ghayru. الْحَيْ لَا تُؤْمَنْ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ Tant que tu es vivant, tu n'es pas à l'abri. هذا معنى كلام ابن حبان. Donc, tant que tu es vivant, tu dois faire attention. بعض الناس ils ont inversé les choses. Ils veulent profiter de cette dunya et ils pensent que après ils verront comment faire. Ça c'est un khata azim. Là, tu dois te préparer maintenant. Et tant que tu es vivant, tu es en danger. قال ولا غبن أعظم من إفنائها لغير الحياة الأبد. Et ça c'est la plus grande perte. كذلك vu que ceux qui font passer cette dunya avant l'akhirah pour eux la plus grande perte c'est de perdre leur maison ou leur voiture ou pour certains la santé. Tout ça, celui qui patiente, c'est des choses qui vont passer. La plus grande perte, c'est celui qui gaspille cette durée de vie que Allah lui a donnée. Cette durée de vie, il la gaspille sans préparer l'au-delà. C'est cela la plus grande perte. قَالَ وَمَنْ اِشْتَهَا أَنْ يَكُونَ حُرًّا فَلْيَشْتَنِبْ أَشْهَوَاتِ هَذَا تَقَدَّمْ مَعْنَا Celui qui veut être vraiment libre, un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, fa qu'il s'écarte des passions. Wa in kanat ladhida li yu'lam anna kull ladhid fa laysa binafi' walakin kull nafi' fa huwa ladhid. Qala kull ladhid fa laysa binafi'. Ay ladhid, c'est quelque chose qui a du goût, quelque chose de savoureux. Fa'lam anna, c'est pas toute chose qui a du goût, qui est savoureux, anha est profitable. ثم قال ولكن كل نافع فهو لذيذ. أما les choses profitables, c'est forcément savoureux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire fais attention aux tentations de ce bas monde. N'aime se rafraîchir, l'âne, manger, se déplacer, etc. L'insan, il ressent du plaisir. Lakin, ça peut être très néfaste pour lui si c'est dans le haram. Maintenant, ceux qui se dévêtissent l'âne et ils veulent se rafraîchir, et ayyadam billah, homme, femme, et au Wa'adahum, ils ont presque plus de vêtements. Ils prennent un certain plaisir, ils se rafraîchissent. Lakin, il n'y a aucun profit. Bel, ils rendront des comptes. Walakin kullu nafi' fa huwa ladid. Prends l'exemple fil ilm. Au départ, l'ilm, sahih, c'est difficile. La mémorisation, les assises, encore plus celui qui voyage, il délaisse famille, etc. Tu trouves shay min al-mashaqqa. Lakin, vu que c'est profitable, tu trouveras un goût, une saveur, ladd. Wa hakadha al-iman. Donc ça, c'est, on doit faire attention de ne pas suivre nos passions. Al-ladd, le plaisir, on doit le prendre dans les choses profitables. Et la chose la plus profitable fi hadhihi ad-dunya, c'est al-ilm wa al-amal. Apprendre son din et mettre en application. Qala rahimahullah wa kullu shahawat mamloula illa al-arbah fa innaha la tumal. Et ça, c'est un autre point. Anna ashab ad-dunya, tu penses que malgré les efforts qu'ils font, etc., ils sont rassasiés. L'être humain, il est hakada. Tu lui donnes une voiture, deux voitures, trois voitures, 10 voitures. À la fin, les 10 voitures, il veut changer. L'être humain, il en a vite assez. Ce qu'on appelle al-malal. Hakada, l'être humain, il veut vite changer. Donc, ceux qui font des efforts, même s'ils possèdent beaucoup de fitonia, à la fin, ils ne sont pas satisfaits. Enfin, pourquoi aller perdre ton temps et perdre ton din dans ces choses? قال رحمه الله وأعظم الأرباح الجنة والاستغناء بالله عن الناس قال إلا الأرباح فإنها لا تمل وأعظم الأرباح الجنة والاستغناء بالله عن الناس. C'est ça la plus grande chose que tu peux gagner, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. الجنة, le paradis. Et dans le paradis, il n'y a pas de malal. Tu en as assez, tu veux changer. أبداً. Fi al-jannah, celui qui rentre au paradis, il sera satisfait toujours. Toujours heureux. Nas'alullah an yaj'alana minhum. Thumma, il a cité des vers de poésie. Qala wa anshadani Muhammad ibn Ishaq al-Wasiti wa an-nasu fi hadhihi ad-dunya ala rutabin. Hadha yuhattu wa dha ya'lu fa yartafi'u. Fa akhlis ash-shukra fi ma qad hubita bihi wa athir as-sabr kullun sawfa yanqati'u. Kalamun jamil. Certains vers de poésie qu'il a cité rahimahullah dans son livre, enfin, celui qui peut les mémoriser, fiha fawaid kathir. Isma wa an-nas fi hadhihi ad-dunya ala rutabin. Les gens dans ce bas monde, ils sont pas tous au même niveau. Hadha yuhattu wa dha ya'lu fa yartafi'u. Certains sont rabaissés, d'autres ils sont élevés. Si tu veux être élevé, faire partie de ceux qu'Allah il a élevé, kadhalik al-ilm wa al-amal. La science et la mise en application. قال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah il élèvera ceux qui ont reçu la foi, qui l'a donné la foi, et ceux كذلك qui ont reçu la science. Fais des efforts في العلم والإيمان, apprends ton دين التوحيد والعقيدة, et mets en application, Allah il t'élèvera. Et d'autres ils sont rabaissés à cause des péchés, à cause des innovations. وأعظم من ذلك الشرك. قال فأخلص الشكر فيما قد حبيت به وآتي الصبر كل سوف ينقطع. Et ça, c'est très très important pour ce voyage, pour cette dunya. Patiente. كل سوف ينقطع. Tout va s'arrêter. Cette maladie dont tu subis, c'est une épreuve. Ça s'arrêtera. Et moi, tu vas être guéri, moi, tu vas mourir. اصبر. Si tu meurs à la tawhid, alhamdulillah. Dans ta tombe, tu seras récompensé. Et dans l'au-delà, et Yawm al-Qiyama plutôt, encore plus. Cette pauvreté, tu as du mal, patiente, ça va s'arrêter. C'est une histoire de quelques heures, quelques jours, quelques mois, quelques années, ça s'arrêtera. وهكذا جميع البلاء. ثم قال وأنشدني المنتصر ابن بلال الأنصاري فيوم علينا ويوم لنا ويوما نساء ويوما نصر كذلك التقارض بين الأنام خير بخير وشر بشر كلام جميل كذلك pour t'aider à patienter dans ce bas monde فيوم علينا ويوم لنا un jour c'est pour toi un jour c'est contre toi ويوم نساء ويوم نصر un jour on est content un jour on est pas content un jour on possède un jour on ne possède pas هكذا الدنيا تلك الأيام نداولها بين الناس ثم قال رحمه الله السبب المؤدي للعاقل إلى إنزاله الدنيا منزلها ترك الركون إليها مع تقديم ما قدر منها للعيش الدائم والنعيم المقيم هو ترك طول الأمل ça c'est من أعظم الفوائد pour ne pas pour que la dunya ne rentre pas dans ton cœur طول الأمل écarte-toi من هذا طول الأمل ça veut dire quoi ça veut dire penser que tu vas vivre longtemps Ya Foulan, fais la salat plus tard. Quand j'aurai 30, 40, 50 ans, je commencerai la salat. Ya Foulan, fais le hajj quand je serai vieux. Ya Foulan, laisse ce péché. Après le mois de Ramadan, je laisse. Wa hakada tol amal. Ça vient de Ash-Shaytan. Enfin, si on s'écarte de hada, c'est quoi qui contredit tol al-amal ? C'est al-hadr qu'on a cité auparavant. Et c'est de faire attention à tout moment, tu peux mourir. Celui qui a. Ça dans son cœur, cette foi, cette croyance, elle à tout moment il peut mourir. Enfin, quand tu veux faire un péché, quand tu veux délaisser une obligation, quand Shaitan il commence à attaquer ton cœur, fais attention. À tout moment ça peut s'arrêter. Et si ça s'arrête, فَقَامَتْ قِيَامَتُكَ مَنْ مَاتَ قَامَتْ قِيَامَتُ Celui qui meurt, le jour des comptes il commence pour lui. Ça commence dans la tombe. Mais celui qui pense encore, il reste 10 ans, 15 ans, 20 ans. Shaitan il leur fait croire là, je suis encore jeune, en bonne santé, je profite encore un peu. Si la mort elle vient, haoula il risque de perdre beaucoup. قال ومراقبة ورود الموت عليه في كل لحظة وطرف. La mort, l'ange de la mort, il peut venir à n'importe quel moment. Parce que tant qu'on a hada dans notre cœur, on va s'améliorer. جدا. قال لأن طول الآمال قطعت أعناق الرجال كالسراب. أخلف من رجاه وخاب من رآه فالعاقل يلزم تركها مع الاعتبار الدائم بمن مضى من الأمم السالفة On délaisse ce qui n'est pas profitable ولا تنسى نصيبك من الدنيا هكذا قال عز وجل N'oublie pas ta part de ce bas monde ce que tu as besoin qui est profitable فالحمد لله c'est permis قال رحمه الله والقرون الماضية كيف عفت آثارهم Ça c'est important كذلك Toutes les générations qui étaient avant nous, elles sont où ? On prend maintenant la génération, les années, ceux qui sont nés les années 30, 1930, 1940. La plupart, ils sont morts. Ceux qui sont nés en 1940, 1950, ils ont 70, 80. Enfin, ils sont sur la fin. Ils sont partis les générations avant. Enfin, si on réfléchit comme ça, un jour, notre génération, elle partira. Qu'est-ce qu'il restera ? Il restera que le bien que tu as semé, Akhil Karim. Il restera que tes œuvres. Tu seras seul dans ta tombe. Il m'a accompagné de tes bonnes actions, sous forme d'une personne pieuse, avec un beau visage, etc. Il m'a accompagné d'une mauvaise personne, avec une mauvaise apparence. Iyadam billah. Aïe, les mauvaises actions. Qala rahimahullah, wa la min diyarihim illa rasm. Qu'est-ce qui reste de haoula ? Fama baqiya minhum illa dhikr. Maintenant, le peuple de Pharaon, les injustes, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste ? Il reste que de dhikr, que les versets qu'on a, leur histoire dans le Coran. Amma leur demeure, leur argent, tout ça a disparu. Hakada, un jour, une génération peut-être viendra, ils parleront de nous. Hakada. Il y a quelques années, quelques décennies, quelques siècles, il y avait un qawm qui disait, qui faisait. Lakin, est-ce que Pharaon il a disparu ? Là, قال عز وجل, النارو, nasit le verset. Al-Muhim, anna Pharaon, ومن معه من الكفرة jusqu'à aujourd'hui se font châtier. قال ولا من ديارهم إلا الرسم فسبحان من هو قادر على بعثهم وجمعهم للجزاء والعقاب. C'est pour ça que Ibn Hibban il a fait هذا التنبيه أن toutes les communautés partielles ont disparu. ثم قال فسبحان et gloire à celui qui est capable, qui a la capacité de le ressusciter tous et il leur demandera des comptes. والله المستعان. فهذا باب جميل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله عز وجل حسن الخاتمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.